Donc moi je suis doctorant, je travaille sur, sur les réformes de la formation des chercheurs. Donc j'ai fait trois ethnographies, en fait j'ai été observer les doctoriales, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est des séminaires calqués un peu sur les business games, où en gros on plonge les doctorants dans une sorte de, dans un séminaire résidentiel et où on leur demande de monter des projets innovants et où ils sont évalués sur leur qualité justement d'entrepreneur, de manager et sur leurs compétences à mettre leurs connaissances scientifiques à d'autres fins que la seule recherche. Donc, voilà. Donc moi ma question en fait c'était de savoir est-ce que vous au moment de vos recherches d'emploi ou de financement, quel type de compétences vous déployez lors de ces moments de recherche de financement et ces moments de recherche de contrat? Est-ce que vous avez une impression, je ne sais pas, une sorte d'infléchissement de vos ambitions académiques ou une sorte de manière d'adapter la présentation de vos projets? Et puis quel type de mots-clés par exemple sont mobilisés pratiquement automatiquement? En gros, finalement, comment vous modifiez la présentation de vous à partir du moment où vous allez à la recherche de ces contrats? Oui, évidemment, j'infléchis et je dis qu'il faut que la présentation soit sexy. Évidemment, alors il se trouve que dans mon domaine, le problème, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour faire quelque chose de brillant. Parce que sur l'islam, non, mais c'est lié un peu au thème, c'est qu'on a... On a énormément de manuscrits, donc un matériau, un corpus qui est énorme, et c'est une mine, donc on prend n'importe quoi et on a quelque chose de neuf. Sur le Moyen-Âge occidental, tous les manuscrits sont connus, il y en a 100 fois moins que sur le monde musulman, et donc on est obligé de faire de la relecture de manuscrits, et donc là il faut conceptualiser et il faut être intelligent. Sur l'islam médiéval, on peut l'être beaucoup moins parce que c'est neuf, tout est neuf. Comme on est dans un contexte actuel où il y a sur l'islam, il y a quand même pas mal de choses à faire, donc les liens, c'est un peu ça. Moi, je travaille quand même sur les documents de chancellerie, structure administrative, édition, traduction et études de documents administratifs du 12e-13e siècle. C'est pas très sexy, mais si on rattache ça au dogme islamique, à l'historicisation de la langue arabe, l'historicisation du fait religieux, on est dans des problématiques très contemporaines, et donc il y a une manière de présenter les choses qui... Dans les séminaires auxquels je participe ou que j'organise, on est très très loin de ce genre de trucs. Hein. Et de toute façon, à l'ERC, ils ne sont pas du tout compétents, ils sont probablement très compétents, mais ils ne sont pas des spécialistes. Donc je ne crois pas que ce soit les meilleurs projets de recherche qui soient récompensés. Oui, je pense que ce sont les plus sexy, mais vraiment, c'est donc moi je travaille la sexiness de mon projet, et c'est le même projet de toute façon. Donc après les mots clés, je n'ai pas étudié mes types de langage.